Et vos fils n'ont pas été tentés de reprendre la lutherie? Non, je n'aurais jamais voulu. Pourquoi? Si, si. Maintenant, ça... Si ça avait été maintenant, vous l'auriez fait. Peut-être, oui. Mais pas dans notre temps. Ah, oui, c'est ça. C'était un métier trop dur, trop difficile. Ouais.